toi, tu étais où, toi, dans le pic du verglas de il y a 20 ans, aujourd'hui, à l'heure où on se parle? Moi, c'était incroyable. J'habitais dans un endroit qui me ressemblait pas du tout. Qui était? L'île des Nounes. Ben, voyons, donc, t'étais l'île là. L'île des Sangs. Hey, j'ai dit ça par des formations, j'ai toujours dit l'île des Nounes. Ben, j'habite à l'île des Nounes. J'ai pour défaire cette affaire-là. Non, non, c'est trop beau. L'île des Nounes, c'est de la poésie urbaine. Mmh. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Le froid polaire s'acharne sur Montréal. Dans les rues glacées, les passants se font rares. Anne et Marc sont confortablement assis au salon. Comme plusieurs Montréalais, ils profitent de leur foyer au bois avant qu'on en interdise l'utilisation. Les deux amis se souviennent de la crise du verglas. Déjà 20 ans. Ils ont une pensée toute particulière pour l'ancien PDG d'Hydro-Québec, André Caillé. Alors moi, je suis la seule de ma communauté, de ma gang d'amis, de ma famille, qui a pas manqué d'électricité jamais. Moi, j'étais au-dessus de tout le monde. Ben voyons. Et je voyais le pont Champlain. Je voyais tous les quartiers de Montréal, parce que j'habitais au 20e étage. C'était haut, là, tu sais. C'était un grand appartement, mais c'était haut, puis tout était vitré. Ah, c'est-tu comme moi? Fait que je voyais ça, moi, d'ailleurs, quand il y avait des bouchons sur le pont Champlain, je pouvais avertir tout le monde. Ouais. Mais pendant le verglas, c'est ça, tout était noir. La ville de Montréal était sombre, ben oui. Hein, il n'y avait plus d'électricité nulle part. Alors, je me suis avec ma sœur, qui habitait sur la rive sud, était venue habiter chez nous quelques jours, parce que... Elle était dans le triangle noir. Elle était à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ah, ben, c'était vraiment la barre. Elle était vraiment en enfer. Elle était dedans. Ouais, elle était en enfer. La GM, ouais. Et Francis Reddy aussi. Il n'était pas venu habiter chez moi, mais lui était dans NDG. Oui. Et mais NDG, NDG était j'habitais pas encore là. NDG? Je pense qu'NDG était préservé. NDG est jamais préservé. À chaque fois qu'il y a une tempête, NDG qui écope, je le sais, j'y habite. Et là, je suis écœurée. OK. Pendant le verglas, tous les arbres. Moi, je suis allée voir Francis à un moment donné pour vérifier l'étendue des dégâts. C'était l'apocalypse. Ouais. C'était l'apocalypse. Et... Le parc Marcel, là, tous les arbres étaient tombés. Encore. Des gros arbres centenaires. Puis là, ils ont repoussé puis ils sont retombés l'été dernier. Je sais. Mais ça, c'est formidable parce que des arbres centenaires, en 20 ans, qui repoussent centenaires. À NDG, ça me fait capoter à chaque fois. C'est comme si tu me disais que je t'ai menti. Non, pas du tout. Non, mais c'est-tu... Mm-hmm. Mais moi, j'habitais... Pendant le verglas, sur Old Orchard, dans NDG... T'étais pas à Saint-Lambert, toi? Oui, j'étais à Saint-Lambert, voyons. Mais Saint-Lambert était à la limite du d'NDG. Triangle... Non. Le fameux triangle pubien noir, là. Où ma sœur habitait. Où ta sœur habitait. Moi, j'étais à côté du triangle pubien de ta sœur à Saint-Lambert. Mon Dieu. Et là, comme j'avais... Rencontrez-vous donc. Mais... J'avais pas d'électricité, puis j'avais des enfants comme... Mais oui, ben oui, petit chou. Qui était quand même assez jeune. Et là, il y a mon ami Mario Légari, le musicien d'Octobre, la maudite machine, qui travaillait. Et sa délicieuse Danielle, qui habite encore sur Old Orchard, sa femme Danielle et leurs trois enfants... nous ont hébergés, Daniel alias Minou, nous ont hébergés chez eux parce qu'on n'avait plus d'électricité. Alors, on était... Ah. Et ils hébergeaient, ils recevaient au repas les voisins d'en bas. Ah. Mais moi, je faisais la fin du monde. Et à 7 heures, tous les jours. Oh boy! Et ça servait à rien parce que nous, on la faisait diffuser, en direct. Mais ouais. Ben non. Ben, on était diffusés en direct, mais là, à 7 heures et 4 minutes, tous les jours, il y avait la conférence de presse de M. Bouchard, puis du M. Fallus du Prépuce d'Hydro-Québec. Oui. On a tous pensé à la même affaire. Ben, c'est vrai qu'ils sont col roulé. Hey, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pensais toujours à un prépuce. Ben, là, c'est évident. Tu tires la petite peau, descends la petite peau. Ben oui. Attention pour pas que ça déchire. Ben oui, fais attention. Puis tu sais, des fois, faut tirer doucement parce que c'est tendu, puis fait froid. Puis il était serré, hein? Il était serré dessus. C'était comme une espèce de prépuce en coton, là. En Malaisie, là. Fait que tricoter serré. Puis il l'a mis dans sa chaise une coupe de fou. Puis il va avoir, là, du coton, genre. Bon! Alors là, on faisait la fin du monde, puis j'arrivais. Et puis là, on disait, pourquoi il faut qu'on vienne faire une émission de clown? Parce que le prépuce va s'amener dans 3 minutes. Exactement. À un moment donné, le premier ministre et son prépuce vont rentrer en onde à 7h03. Là, je faisais ça pas. Et là, à V, anciennement Tickets, Là, il disait, faut que vous soyez là. Mais je disais, pourquoi faut qu'on soit là? Qui ça qui disait ça? Parce que Bernard de Rome, lui, il est là. Mais je fais, Bernard de Rome, c'est un service essentiel à la population. Nous autres, on fait une émission de clown qui va être retirée des ondes dès que le premier ministre et son prépuce vont rentrer ben en oui, ondes. Fait que à quoi ça sert, tu sais? Fait que là, on travaillait comme des caves avec, après 2 heures de sommeil pour arriver en ondes, pour se faire retirer après 2 minutes. Ça a duré 2 semaines et demie. Hey, c'est inutile, ça. Oui. Puis je me souviens que j'étais tellement désespéré la dernière journée du verglas, je courais après les trocs dans ces lampes pour qu'ils viennent me rebrancher les trocs américains, là, les camions, enfin, les rebrancheurs américains. Oui, oui, oui. C'est beau quand même cette solidarité, hein? Ah, c'était beau, là. Hey, moi, là, tu sais, j'ai chauffé des vieilles anglaises à Saint-Lambert, là. Et que j'en ai chauffé. À même ma bûche dans leur poêle, puis je disais, venez vous servir. Marc, tu vas très loin, là. Bonne idée. Les périodes de survie comme ça, on compte plus, puis on donne. Hein. Ouais, t'es très généreux de ta personne. Bonne idée. Le vent glacial n'a pas découragé Joseph, le voisin musicien. Comme tous les samedis, il débarque dans le salon de Marc et Anne. Cette semaine, il est accompagné d'Amélie. Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, the star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I'll love you. Yeah! I told a girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, girl, I can start right away. And she said, listen, babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver, that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I'll love you. En ce dernier jour du temps des fêtes, Anne et Marc sont en quête d'épiphanie. Ils rêvent d'étoiles et font appel aux lumières de l'astrophysicien Robert Lamontagne. D'être ému par une œuvre d'art, c'est une chose, tu sais, puis c'est magnifique, puis Dieu sait qu'il y en a qui nous transportent, mais je la comprends par le cœur. Il y a quelque chose qui... Ouais. Je suis tout de suite en relation, même si je ne sais pas comment ça a été réussi ou comment ça a été fait, il y a quelque chose qui me bouleverse tout de suite. Vous, ce que vous faites, puis les gens qui s'intéressent à l'astrophysique, puis qui comprennent, qui jouent dans les notions du temps puis de l'espace-temps, qui, là, je me sens à la fois fasciné puis frustré de pas saisir c'est parce qu'on sait la pas totalité. Par où commencer. On c'est parce qu'on a besoin de tellement de références à un moment donné qu'on sent juste ticoune. Et, faut pas le voir de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est intimidant et que bon, l'univers il est grand puis l'humanité est longue, il dure longtemps. Puis on n'est pas grand-chose, on a un petit point grain de sable. Machin. Mais moi je le prends de l'autre façon, c'est que tout le monde a un cerveau, un kilo de matière grise, puis on est capable de l'appréhender quand même. Je disais, bon, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, on s'entend, là, mais je disais, on est capable de comprendre. On connaît notre place dans le cosmos. C'est quand même extraordinaire. Même si c'est grand et qu'on n'est pas grand-chose, on est arrivé à comprendre quelle est notre place dans tout ça. On est la conscience du cosmos. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vie ailleurs, n'est-ce pas? C'est tellement vertigineux, comme on se disait. Jusqu'où ça pourrait mener? Est-ce que ça se peut que, éventuellement, oui, on découvre qu'on est entouré d'un paquet d'univers parallèles où il y a de la vie aussi, puis où tout est possible. Hein? C'est tout à fait possible. Il y a même il y a des gens qui travaillent là-dessus. Oui, j'imagine. Probablement, oui. Il y a une bande de gens, les cosmologistes. C'est comme une espèce de sous-ensemble dans les astronomes et les astrophysiciens. Je dis souvent à la blague, là, je pense qu'ils sont à peu près 12 dans le monde, puis ils sont tous fous. Tous fous. Ils se parlent entre eux. C'est merveilleux. Ils se comprennent. Ils peuvent pas puis nous, on les regarde. Puis même nous, on les regarde. Hein. J'ai pas la moindre idée de ce qu'ils racontent. Ah, c'est-à-dire oui? que je dis, les grandes lignes, là, mais OK, ils doivent avoir raison. Probablement. Là. Non, il y a mais c'est parce que ça va loin, c'est infini, comme nombre de galaxies, comme on le sait pas. Et on est tous, ça étourdit mes étudiants, on est tous le centre de son propre univers. Chacun d'entre nous a son point de vue légèrement différent sur l'univers, parce qu'on n'est pas au même endroit. Mm-hmm. Bon, évidemment, dans la pièce ici, là, on est assez proche, et chacun d'entre nous, on voit à peu près le même univers. Mais on peut imaginer d'éventuels extraterrestres qui sont à 5 milliards d'années-lumière de nous, et eux, ils voient l'univers, ils ont leur univers observable. On en fait un peu partie, mais ils voient un morceau qu'on ne voit pas, puis nous, on voit un morceau qu'ils ne voient pas. Mm-hmm. Ce dont vous parlez, est-ce que ça a à voir avec les dimensions, ça? Parce que mon fils arrête de me parler des dimensions, puis je comprends rien. J'ai appris dernièrement que mon fils s'intéressait à la physique quantique, à toutes sortes d'affaires que je soupçonnais pas. Et depuis qu'il est petit, il fouille. Puis là, il m'arrivait avec des espèces de théories, puis tu lui demanderas ça au monsieur que tu rencontres demain, puis tu lui demanderas ça. Et là, j'ai pas retenu le quart de ses questions, mais les dimensions, j'essayais de comprendre. J'ai dit là, envoie-moi par texto. Ben, peux-tu le texter, il m'a juste envoyé des affaires ce matin. Il dit, parle-lui du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger. Ça va t'aider à comprendre. Comprendre quoi, je ne le sais pas. il dit, est-ce qu'on peut accéder... Attends, c'est quoi le multivers? La théorie qu'il y a un univers pour chaque possibilité. Bon. Mm-hmm. Peux-tu me donner une question? Est-ce qu'on peut un jour y accéder au multivers? Ça prend une fusée qui va vite. Hey, je comprends rien. Bon, ce serait quoi ta question sur l'espace-temps? Il dit, c'est pour toi, tu n'avais pas l'air de comprendre hier. Mais voyons, c'est insultant. Le multivers, c'est ce dont on parlait il y a quelques instants. Ouais. La possibilité qu'il y ait d'autres univers. Alors, ce sont ces fameux cosmologistes fous là, dont je parlais. Okay. Là. C'est la frontière entre la science et la philosophie. Parce qu'on entre dans ce domaine où on se pose la question. Alors, c'est grand comment, d'où on vient, puis qu'est-ce qu'il y avait avant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ben. C'est toujours la question. Quand on parle du fameux Big Bang, là, donc l'expansion de l'univers, on peut remonter dans le temps, puis voici de quoi avait l'air l'univers un an après sa naissance, puis une seconde après sa naissance. Puis là, à un moment donné, quelqu'un dit, avant, qu'est-ce qu'il y avait? Et donc, ça pose la question, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et une façon de glisser ça en dessous du tapis, c'est de dire que non, notre univers n'est pas exceptionnel, n'est pas particulier. Il existe plusieurs univers et nous sommes un univers parmi une collection extrêmement grande. La douzaine de cosmologistes, là, tous fous. Oui, ils discutent de ça, j'en ai fait là. Puis moi, est-ce qu'on peut imaginer une expérience qui permettrait de découvrir ça? Oui, lancer quelqu'un, là. Dans un canon, là. Construire une machine qui nous permettrait de voir ça, là. Mais... on peut voyager, on serait apte à voyager dans le temps bientôt, non? Ouais, de fréquenter d'autres dimensions, les maudites dimensions que je comprends rien. Ben, c'est-à-dire qu'on voyage déjà dans le temps. Oui, le GPS. On va du présent vers le futur. On peut pas aller dans le sens contraire, sauf avec notre esprit, dans le sens où on a des souvenirs. Est-ce que ce serait possible de voyager dans le temps? T'as qu'une fusée qui va vite, là. Ça serait... Donc, ça demeure encore du domaine de la science-fiction, là. Mais il y a des gens qui s'intéressent à est-ce qu'on serait capable de revenir dans le passé? Il y a des modèles qui montrent que, imaginons qu'on construit la machine là, qui permet de le faire, là, et on n'a aucune idée de comment construire la machine, là, mais imaginons qu'on pourrait construire la machine, on pourrait à ce moment-là revenir dans le temps jusqu'à l'instant où on a construit la machine. On peut pas aller... autrement dit, on n'ira pas voir Louis XIV, là. Ah, c'est plate, parce que lui... Ou Jules César se faire assassiner. On pourrait pas, parce que la machine n'existait pas. Mais si aujourd'hui, on construit la machine, ben, dans 100 ans, quelqu'un pourrait revenir à aujourd'hui puis venir s'asseoir avec nous puis avoir la conversation, parce que la machine existe. Okay. On peut remonter jusqu'au moment où la machine existe. On ne pourra jamais remonter avant que... si jamais on y arrive... Apparemment, non. Je peux me tromper, là. Hein. Hey, non, vous, jamais. Impossible. Non, c'est impossible que vous vous trompiasse. Que vous vous trompiasse. Sier. Puis, je le mets dans le passé. Le soleil, là, c'est sûr qu'il va s'éteindre un jour. Cette étoile-là va mourir un jour. Oui, notre soleil, comme toutes les étoiles, a une durée de vie finie. Elle est longue, là. Hein. On parle... L'espérance de vie d'une étoile comme notre soleil, c'est... entre 10 et 12 milliards d'années. Et on est à peu près à mi-chemin, là. On a fait 5 milliards d'années. Pas tout à fait 5 milliards d'années. C'est juste. Donc, il nous reste un peu de marge, là. Malheureusement, c'est pas un argument qu'on peut invoquer avec son banquier pour dire, vous savez... le soleil achève. Que l'hypothèque, pensez-vous que je pourrais avoir une assurance? Sauter un ou deux versements. Ça marche pas. Non, c'est ça. Puis là, évidemment, quand ça va s'éteindre, ben on va s'éteindre avec... On va être éteint. Enfin, c'est assez amusant parce que c'est toujours le pronostic qu'on se fait, c'est-à-dire que l'humanité va disparaître avec le soleil. Malheureusement, c'est pire que ça. On va disparaître longtemps avant notre propre étoile. Ouais. En fait, si on reste sur Terre. Parce que, bon, inexorablement, le soleil, il se réchauffe, n'est-ce pas? Là, depuis presque 5 milliards d'années, il se réchauffe. Et donc, dans 5 millions d'années, dans 20 millions d'années, dans 100 millions d'années, ben il va faire un petit peu plus chaud sur la Terre. Et la température va monter. Et éventuellement, l'eau des océans va s'évaporer. Ouais. Et là, ça s'arrête pour nous. Et ça, c'est longtemps avant que le soleil termine sa vie. Puis il y en a des signes de ça. Donc, on est sur un horizon d'à peu près... 1 milliard d'années. Est-ce que ça vous rend plus... Ça vous apporte un recul. Est-ce que ça vous rend plus... zen. OK, j'allais demander plus insensible par rapport à certaines choses. Non. Au contraire. Mais je suis beaucoup plus zen. D'accord. J'appréhende la mort d'une façon différente aussi. Oui. Très différente. Pour moi, je fais partie du cosmos. Ce dont je suis fait, ça vient du cosmos, n'est-ce pas? Hubert Reeves avait dit, on est de la poussière d'étoiles, là. Mais l'expression est juste. Les atomes dont je suis fait, dont on est tous faits, nos atomes, ils ont été fabriqués dans des étoiles qui ont explosé il y a longtemps, 6, 7, 8 milliards d'années. Les gens se disent souvent, je me sens fatigué, puis je me sens vieux aujourd'hui. Ils ont raison, parce qu'en moyenne... Vous avez 7 milliards d'années, monsieur. Nos atomes, en moyenne, ont entre 7 et 8 milliards d'années. T'avais pas une affaire, c'est le chat, toi, ben de ton oui, le fils, chat. Ben c'est mais... ça, tantôt, j'en parlais. Comment il s'appelle, Schrödinger, c'est le physicien d'origine allemande. Dieu que je suis inculte. Ben oui, ce grand physicien, allemand. Il y a deux grandes théories du 20e siècle pour expliquer l'univers qui nous entoure. Il y a ce qui explique le très, très, très petit, qu'on appelle la mécanique quantique ou la physique quantique. Et Schrödinger est un des grands artisans de cette théorie. Puis il y a le très, très grand, et le très, très vite, et le très massif, qui est expliqué, ou en grande partie expliqué, par la relativité d'Einstein, la relativité restreinte et la relativité générale. Alors, on a deux grands paradigmes. Okay. Einstein est évidemment le plus connu, là. Ouais. Mais disons que dans le petit monde de la physique, là, il y a quelques figures marquantes. Schrödinger tout le monde devrait savoir c'est qui. Ben, oui, tout le monde devrait savoir. On le savait, oui. Je le savais hier, j'ai juste lu un chat. Et c'est ça, il a imaginé, comme la plupart des grands physiciens, il faisait et c'était l'eau des physiciens du début du 20e siècle. Il y avait des tas de trucs qu'ils imaginaient, mais qu'on n'était pas capable de tester ou de valider, parce qu'il n'y a pas moyen de faire une machine ou une expérience. Alors donc, ils faisaient des expériences de pensée. Si on faisait telle chose, qu'est-ce qui se produirait? Einstein était très, très bon là-dedans, et Schrödinger aussi. Et dans la théorie de Schrödinger, le monde du très petit, les particules ne sont pas fixes. Elles ont une entité matérielle, mais elles sont plusieurs choses à la fois. Et donc, Schrödinger avait imaginé, pour expliquer ça au commun des mortels, si on peut dire, imaginez un chat dans une boîte. Vous avez une boîte fermée, il y a un chat à l'intérieur et il y a une petite bouteille de poison dans la boîte. Le chat est vivant et la petite bouteille, elle est fermée. Puis la boîte est fermée. Et donc, pouvez-vous me dire est-ce que le chat, il est vivant ou pas? Tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour savoir est-ce que le chat est vivant puis la petite bouteille de poison est toujours fermée, ou bien le chat est mort parce que la petite bouteille de poison s'est ouverte, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne peut pas le savoir. Mm-hmm. Donc, le chat est à la fois mort et vivant dans la boîte fermée. Et on ne le sait pas. Mm-hmm. Il faut ouvrir la boîte pour connaître la réponse. Mm-hmm. Et ça, c'est une façon d'exprimer le principe de la physique quantique, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait la mesure, vous êtes incapable de dire quel est l'état de la chose. Une chose peut être dans plusieurs états en même temps, mais à partir du moment où vous le mesurez, là, son état devient fixe. Mm-hmm. Celui qui ouvre la boîte, il fixe l'état du chat. Il est mort ou il est vivant? Tant que la boîte est fermée, on peut tous en discuter. Il est mort ou il est vivant, on ne le sait pas. Il est les deux à la fois. Il ne peut pas être les deux à la fois. Il est un ou l'autre, on ne le sait pas. Mais on ne peut pas rien. Le savoir. Il faut faire l'expérience. Et donc, quand on fait l'expérience, on affecte le résultat parce qu'on fixe, n'est-ce pas, le futur. Donc, l'expérimentateur influence Il détermine l'état, mais en d'autres termes, il affecte le résultat de l'expérience, ce qui est révolutionnaire en science, parce qu'en principe, l'expérimentateur et le phénomène sont détachés. La mécanique quantique nous dit non, dès que vous faites une mesure, vous changez... L'ordre des choses, en d'autres termes. Et une façon de le voir, c'est que, par exemple, prenez la matière au niveau microscopique, on est tous faits de particules qui sont très vieilles, là. Et on est fait de protons et de neutrons, puis il y a des électrons qui tournent autour. Et puis, on voudrait savoir, OK, quelle est la masse de l'électron, puis à quelle vitesse il se déplace, puis où est-ce qu'il est situé? Bien, le simple fait de le regarder, il change. J'ai affecté sa position, sa vitesse. L'effet papillon, là, maintenant réduit à sa... Dès que je regarde, je me trouve à affecter le résultat parce que l'électron, il est très petit. Et pour le regarder, bien, il va falloir que je l'éclaire, n'est-ce pas? Ça me prend une lampe de poche. La lampe de poche va changer la position. Je le regarde, il est... Donc, on n'apprendra jamais rien de formel. Au niveau micro... Exactement, c'est exactement ça. Au niveau microscopique, tout ce que l'on peut dire, c'est ça a plus de chances d'être comme ceci ou comme cela. Il y a une probabilité, au moment où on se parle, il y a une probabilité non nulle que je sois avec vous en train de parler, n'est-ce pas? Et vous validez ça. Oui, je suis là, je peux en témoigner. Mais il y a une probabilité non nulle extrêmement faible que je sois dans la pièce d'à côté. Ben voyons. Oui, mais c'est ça. C'est Mais je suis pas dans une boîte. Je suis là, vous voyez. Je peux pas être à côté. Mais on est tous dans la boîte. On est tous dans la boîte. Il y a du poison, puis on va tous mourir. Ah, voyons, On est tous des chats. Pourquoi? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que mon fils essayait de m'expliquer. Je peux être là-bas, je peux être ici. Le chat de Schrödinger, il est... Ça m'énerve. Deux choses en même temps. Mort et vivant. Non, il est un des deux. Il est les deux en même temps. C'est ça, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée à échelle humaine de quelque chose de microscopique. Alors, mon électron, il est ici ou il est là. Puis vous, pendant que vous nous parlez, puis que vous bougez les bras comme ça, vous pouvez être dans la pièce à côté. Oui, puis vous pouvez aussi avoir bougé une roche au Tibet. Mmh. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Mais d'avoir accès à cette pensée-là, puis à ces réflexes de pensée-là, intimement, ça doit bien changer l'homme que vous êtes aujourd'hui. Non? On ne le saura jamais. C'est-à-dire que ça change notre perspective sur la vie de tous les jours, mais je veux dire... On a tous des familles, puis on a tous les mêmes conversations dans les parties de Noël. Les Canadiens, ils jouent à chaque année. Oui, c'est ça. Je veux dire, vous êtes capable de fonctionner dans le quotidien, acheter une peigne de lait, des affaires de même plat, des affaires. Ça, je ne vous imagine pas acheter une peigne de lait. Vous conduisez un corps de golf, vous savez comment conduire un corps de golf. Je vais faire les courses, je vais à la boucherie, puis évidemment, ils me connaissent un peu, puis j'ai la question de la semaine. Le boucher me demande, puis Monsieur Lamontagne, j'ai une question pour vous. Les trous noirs ou la nouvelle découverte. Oui, vous en avez parlé. Alors là, j'essaye de leur concocter une... Comme je disais, la fusion des trucs à neutrons. En deux minutes, on va se trouver une explication. Mais j'ai la question de la semaine quand je vais... Êtes-vous tanné de ça? Non. C'est-tu fatigant, ça, absolument. D'avoir des imbéciles autour qui posent des questions niaiseuses? Non. Là, votre petite palette, mais les neutrons, non, là... Mais je parle pas de son boucher, de moi. Ça me choque à la limite quand il y a un dire la question niaiseuse. Il n'y a absolument aucune question niaiseuse. Il y a des réponses niaiseuses. Pendant que la galette des rois attend patiemment sur le comptoir de la cuisine, Marc fouille dans la bibliothèque à la recherche d'un livre qui devrait aider Anne à s'épanouir en ce début d'année. Mais ça, là, la purification des chakras, quand j'ai commencé ça, là, ma vie a changé complètement. Je sais pas, et je traîne toujours avec moi, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, mon livre de prières à chakras et d'exercices qui se termine par la rencontre avec... l'archange Gabriel, et ça, j'aimerais vraiment que ça t'arrive, Anne, parce que j'ai énormément... de respect pour l'archange toi. Gabriel. Ah, OK. Pour toi. Oui. Et l'archange Gabriel aussi. L'archange Gabriel, toi, il t'a envoyé des signes? À tout le monde. Ah ouais. Tout le monde. Moi, j'ai senti. Puis là, il faut juste comme... Mais pour accueillir l'archange Gabriel, il faut d'abord... Il faut avoir les chakras ouverts. Il faut avoir les chakras ouverts, il faut les réaligner, il faut les purifier. Je sais même pas, ils sont où, les miens? Normalement, il faut que tu te concentres sur certaines parties. Comme là, si tu concentrais sur ta région... Okay. Non, on va commencer un petit peu plus haut. Okay. Parce que les ovaires vont répondre à ton abdomen. OK. Ah, donc, on se concentre sur l'abdomen. Tu te concentres sur l'abdomen. OK, je suis concentré. Et là, il faut que tu respires, évidemment. Parce que en respirant, en te concentrant sur l'abdomen, c'est là que tu vas sentir l'espèce d'étincelle divine de lumière blanche. Ici, dans mon livre, on dit de lumière blanche cristalline qui brille juste derrière le nombril. Attends, là, j'essaie de respirer, là. Oui. En fait, le vrai terme, c'est le chakra racine. C'est la racine. OK. Le tubercule, là, qui t'amène jusqu'aux ovaires. Comme une patate, là. Ouais. OK. C'est comme si t'avais une patate juste en haut des ovaires avec les grands fouettes, là. Et là, t'es supposé sentir un cercle orange qui oscille tel un magnifique ventilateur. Comme un soleil. Oui. OK. Il y a toujours un ventilateur. Il faut toujours imaginer un ventilateur qui tourne dans sur le chakra. OK. Et là, tu penses à ça, ouais. Et là, tu répètes avec moi, si tu veux. Oui. Je suis en totale harmonie. Je suis en totale harmonie. Avec le flot ininterrompu. Avec le flot ininterrompu. D'offrandes et d'amour. D'offrandes et d'amour. Qui jaillit. Qui jaillit. De la fontaine dorée. De la fontaine dorée. Située en mon centre. Située en mon centre. C'est assez beau. J'ai une fontaine dorée. Oui, t'as toujours une fontaine dorée. Ah, ça, c'est joli. Une fontaine dorée. Tu sais, on l'oublie. Ben oui. Là, tu as le plexus solaire complètement nettoyé au moment où on se parle. Ah oui! Je peux manger des chips. Tu peux continuer dans les béquilles. Mais on peut continuer pour aller encore plus haut. Le chakra du cœur. Oh! Ça, c'est beau. Le chakra du cœur, là. Oui. Ouais. Ça, c'est le centre d'énergie associé aux pensées et croyances concernant l'amour et les relations. Oui, oui. Fait que si tu penses à ton cœur, ça, c'est un ventilateur jaune, ça a l'air. Il est jaune. Il est jaune qui tourne autour. OK. Et là, il faut prendre une grande respiration, puis il faut répéter tranquillement, avec moi, si tu veux. Ouais. Je m'autorise maintenant. Je m'autorise maintenant. Entièrement. Entièrement. À donner et à recevoir l'amour. À donner et à recevoir l'amour. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et je suis aimé. Et je suis aimé. Je suis aimé. Je suis aimé. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. Oui, j'aime. J'aime. J'aime. Combien de fois? Une autre fois. J'aime. J'aime. Bon, c'est fait. Bon, fait que t'as le chakra complètement slack. Je suis donc bien contente. Oh non, ça va bien. Il reste presque rien avant d'accueillir l'archange Gabriel dans ton sein. Et là, tu as donc ta rencontre avec l'archange Raphaël, qui est la purification. J'ai dit Gabriel tantôt, mais c'est Raphaël. Gabriel, ah, c'est ça. Gabriel, c'est son frère. Bon. Alors, Raphaël, lui, il est revenu. Okay. Et lui, il régit tout ce qui touche la guérison, tout ce qui concerne qui est malade, okay. tout ce qui n'est pas bien en nous. Ah. C'est lui qu'on appelle pour venir nous guérir. Raphaël. Oui, ah, Raphaël. C'est joli. Puis on peut l'inviter n'importe quand. Qu'est-ce qu'on fait pour l'inviter? Il y a une prière. C'est ça, tu l'as répété avec moi? Ben oui. Raphaël. Raphaël. Je te prie. Je te prie. De pénétrer mon corps. De pénétrer mon corps. Maintenant. Maintenant. Maintenant, devant mes amis. Et cela sera fait. Et cela sera fait. Et bien fait, j'espère. Je te prie. Je te prie. De pénétrer mon corps. De pénétrer mon corps. Maintenant. Maintenant. Et cela sera fait. Et ça sera fait. On peut aussi demander à Raphaël de pénétrer un être cher. Parce que les anges ne vont jamais à l'encontre de la volonté de Dieu ni de celle des personnes concernées. Alors, quand tu files pas, demande de te faire pénétrer par Raphaël. Ou quand toi, tu files pas, je vais lui demander de te pénétrer aussi. Oui, on peut demander qu'il aille pénétrer quelqu'un d'autre. Parce qu'il est là pour servir Raphaël. Ah, il est gentil. Il se donne, hein? Oui. Mon Dieu. Ben, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Ah... Je suis ton pile. Tu es mon face. Toi, mon nombril. Et moi, ta glace. Et l'envie. Et moi, le geste. Le citron. Et moi, le zeste. Je suis le thé. Tu es la tasse. T'as la guitare. Et moi, la basse. Je suis la pluie, tu es mes gouttes, tu es le oui, et moi le doute et le bouquet. Je suis les fleurs, tu es la horte, et moi le cœur, toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe, et moi le joint, tu es le vent. Je suis la rafale, toi la raquette, et moi la balle, tu es le jouet, et moi l'enfant. T'es le vieillard, et moi le temps. Je suis l'iris, t'es la pupille. Je suis l'épice, toi la papille. Toi l'eau qui vient, et moi la bouche. Toi l'aube et moi le ciel qui se couche. T'es le liqueur et moi l'ivresse. T'es le mensonge, moi la paresse. T'es le guépard, moi la vitesse. Tu es la main, moi la caresse. Je suis l'enfer, le ta pécheresse. Tu es le ciel, moi la terre. Je suis l'oreille de ta musique. Je suis le soleil de tes tropiques. Je suis le tabac à pipe. T'es le plaisir, je suis la poudre, tu es la cam et moi la note. Tu es la flamme, moi l'allumette. T'es la chaleur, je suis la paresse. T'es la torpeur et moi la sieste. T'es la fraîcheur et moi l'averse. Tu es les fêtes, je suis la chaise. Tu es bémol et moi je suis tiède. Tu es l'oreille de mon ardi, t'es le plaisir de mon soupir. Donc c'est le solo. Aïe, la crise de chanson là. T'es l'oreille de moi, t'es le plaisir de mon soupir, t'es la moustache de mon trotsky, t'es tous les éclats de mon rire, tu es le chant de ma sirène, tu es le sang et moi la veine, t'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, je suis ton pire. Toi mon face, toi mon nombril, et moi ta glace, tu es l'envie, et moi le geste, t'es le citron. Et moi le zeste. Je suis le thé. Tu es la tasse. Toi la putain. Et moi la passe. C'était un fiasco, mais on va la garder. C'était vraiment un fiasco, hein? C'était mauvais, là. Dans la crèche, Gaspard, Melchior et Balthazar adorent le petit Jésus. Anne et Marc boivent un chocolat chaud avec leurs invités nomades, Atig et sa discrète épouse, Saba. Vous, on a plein de questions. Vous êtes originaire d'où, en partant? Vous êtes de la Mauritanie? De Mauritanie. Qui englobe la plus grande partie du Sahara, est-ce que c'est ça? En fait, la Mauritanie, c'est si on retourne en arrière, c'est un empire qui fait tout ce qui est l'Afrique du Nord aujourd'hui. C'était d'accord. Le nom pour... L'Algérie, le Maroc. Exactement, à l'époque, mais on parle de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, juste un petit peu, fin bout. Ouais, alors, Mais maintenant, c'est vraiment un pays qui se trouve entre le Sénégal, le Mali, l'Algérie, le Maroc. Okay. Et sur l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire que si vous marchez de Montréal 40 jours en chameau, puis vous traversez l'océan Atlantique et vous tournez un peu à droite, vous on tombez... C'est une belle image. Hey, vous 40 fait... jours à chameau, vous tournez un peu à droite. Un petit peu à droite. J'aimerais ça, c'est comme... Hey, c'est le contraire des Français quand tu t'expliques. Alors, dans 300 mètres. Alors, dans 300 mètres, vous tournez à gauche. Mais ah, attention. Ah, non, attendez, il y a plus court. Vous allez à 300 mètres. Mais tu comprends jamais rien. Et de toute façon, c'est toujours une direction erronée. Bravo, bravo, vous faites un guide touristique extraordinaire. Exact. Mais vous, vous avez vécu dans le désert. Tous les deux, vous avez vécu dans le désert. Oui, tout à fait. Alors, vraiment nomade. Plus que moi. Ah oui? C'est le oui, côté plus sédentarisé, le côté du nord de la Mauritanie, avec les civilisations des grandes villes et tout. Mais moi, c'est vraiment la vie nomade. Aïe, aïe. Ma mère, aujourd'hui, se déplace. Demain, on cherche de nouveaux patriarches, de nouveaux campements. Et toute la famille, on vit de l'élevage des Mais animaux. Êtes-vous né dans le désert? Oui. Vous êtes né dans le désert. Votre mère a accouché dans le désert. Oui. OK. Hey, mon Dieu. Seul ou en tout cas avec les gens de la... Comment non, ça, on appelle exactement, c'est la ça famille. Le problème, c'est que souvent, on pense que le désert, c'est vide, mais c'est l'endroit le plus actif. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de chèvres qui arrivent du côté gauche. Il y a toujours une petite fille qui arrive de côté droite, ainsi de suite. Alors, la vie, la routine et tout ça, ça passe. Ah ouais. Il y a beaucoup d'actions. Combien vous étiez dans le village, à peu près? Dans votre village? Dans mon village, on était avant, il y avait presque 50 familles. Mais c'est un village qui grandit fur et à mesure. Okay. Alors, ce n'est pas un village qui est sédentarisé, comme on trouve ici, que tout le monde va au Tim Hortons le matin, Costco l'après-midi, ainsi de suite. C'est plutôt un village que parfois, il y a beaucoup de gens qui arrivent à cause qu'il y a les animaux qui sont là, mais une fois qu'il n'y a plus de nourriture pour leurs animaux, ils vont se déplacer pendant 6-7 mois. Ils vont aller vers le sud. Mais là, aujourd'hui, un village comme ça qui se promène avec puis migre, puis qui va vers le sud pour aller chercher plus de bouffe, puis qui remonte au nord, puis tout ça. Alors, vous bâtissez les maisons au fur et à mesure, vous les défaites. C'est des tentes. C'est des tentes, c'est ça, tentes, oui. Qui se plient pendant 5-10 minutes, ils enlèvent tout. Non, bah, c'est ça, le gros basic, là, North exact. Face. Puis ouais. Là, tu arrives, et pendant que la caravane arrive... C'est ça, dans c'est cette caravane. Oui, des caravanes. On installe les tentes, on visionne où on va rester. Et parfois, c'est des universités au complet qui se promènent avec leurs étudiants et que le prof lui-même, il s'en va. Et puis les étudiants le campagnent et que tu as une bibliothèque de 20... chameau rempli de livres. Ben, voyons donc, oui, une bibliothèque de chameaux. Une bibliothèque. C'est extraordinaire. Une bibliothèque. Ouais. Et que les gens, ils vont arrêter à tel endroit pour se reposer pendant 2-3 semaines. Après ça, il y a moins de nourriture pour leurs animaux. Alors, ils vont continuer un peu plus le chemin pour une autre place, ainsi de suite. Le Sahara, c'est quand même un endroit aride. C'est quand même... ça comporte son lot de difficultés, de dangerosité aussi. Il n'y a pas de... C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Mais le manque d'eau, le soleil omniprésent, le manque de pluie, le manque de végétation... Fait... Exact. C'est moi, j'adorerais j'adorerais aller me promener dans le Sahara. Mais c'est comme un peu quand tu te retrouves en plein milieu de la mer, ça peut être très, très angoissant aussi, j'imagine. Il n'y a pas... Tout à fait. Mais si tu demandes quelqu'un du désert et qu'il te l'amène ici à Montréal, il va te dire « Wow, c'est des factures. Ouais. » Oui, absolument. C'est moi, c'est les voitures. Mais par contre, les gens qui vivent dans le désert et qui vivent en harmonie avec cette nature, ils vont creuser des puits, ils vont trouver de l'eau en bas, et ils vont passer mois, on a de végétation qui se pousse, il y a culture maraîchale, il y a certaines... Vous créez des oasis. Exactement, des haricots, des dattes, toutes ces dattes qui viennent de là, ainsi de suite. Ils vont créer une vie à l'intérieur de tout ça et ils vont vivre très heureux. Puis cet désert, c'est ça que je vécu, c'est ça que j'ai grandi avec. Il y a un autre désert qui est créé parce que certaines compagnies pétrolières et minières et tout, qu'ils ont carrément élevé le bien de ces populations. Et puis ces populations, ils sont révoltés, ça a créé des malentendus, ça a créé des conflits. Mais ce n'est pas du tout les déserts où j'ai grandi. C'est très accueillant, très sécurité. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, on les trouve, ces déserts. Et les gens, ils se déplacent à l'intérieur pour faire une vie. Quand vous croisez dans le désert, d'autres, une autre famille ou une autre personne que vous croisez, puis tout ça, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il y a une façon de se saluer, okay. Est-ce qu'il y a... C'est un peu différent que ce que tu trouves ici. Dans le sens que la salutation, ça peut durer une heure de temps. Mais pas changer de nouvelles. C'est juste salam alaikum, alaikum, shahad, miya klibas, ya khair, shtarvi. Comment ça va? C'est quoi la nouvelle? Tu retournes, tu rappelles. Quoi de neuf? Comment ça va? Quoi de neuf? Ah oui, ça peut être. Mais là, c'est comme si on se disait, OK, comment ça va? Ça va bien. Toi, comment ça va? Toi, ça va bien. Jusqu'à ce qu'un des deux décide d'arrêter. C'est trop long. Ça va jamais arrêter. Ça va jamais arrêter. Jamais arrêter. Tu peux te réveiller 2-3 heures après. Mais voyons. Il continue encore. La bobine est bloquée. C'est bien extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que travers ça, tu vas de temps en temps jeter une question, de faire connaître est-ce que tu as vu tel ou tu as parlé. Puis c'est indirect. C'est pas poli que tu trouves. Tu vois quelqu'un, puis immédiatement, dis-moi, est-ce que tu as vu mon chameau blanc? OK. Il va te dire non. Yep. Mais le fait que tu les salues comme il faut et le fait aussi que souvent... Oui, 5 heures de temps, ça c'est, ça, c'est vraiment saluer quelqu'un comme il faut, je vais m'en souvenir. Puis c'est pas poli de lui dire tu es fils de qui. Ah bon? Okay. Non. Il ne faut pas dire ça. Non, parce pas qu'il du existe tout. En soi. Il, y a non, non. Il faut vraiment que tu vas doucement, puis tu poses certaines questions jusqu'à ce que tu trouves qu'il devient de telle tribu. Puis immédiatement, toi, tu te rappelles aussi que soit ta grand-mère numéro 7 ou numéro 12, elle vient de cette tribu. Ouais. Puis là, tu te rappelles le nom de cette famille. Et là, lui, il va te retourner avec un lien. Puis petit à petit... À un moment donné, après toute une discussion, avec toutes sortes d'étapes, vous êtes de cousins. Ah oui, c'est ça. Hey, mais cousins, ça peut prendre 3 semaines avant. Mais les cousins de vraiment de loin. Mais c'est ça, tout le monde est cousin de tout le monde. C'est tellement important que... Ah oui. Même que c'est ta carte d'identité, en fait. Ah oui. Que tu connais toutes... tes ancêtres de côté de ta mère, tes ancêtres de côté de ta mère, de ton père, et le dos ensemble. Puis si tel il a marié dans telle région à Sherbrooke et qui a fait des enfants, enfant, puis à Amos, puis là, il est revenu à Trois-Rivières pour exactement, puis tu connais tous ce rapport, elle est tellement important que ça te permet d'être servi bien. Comme nourriture, ça te permet d'être protégé si des gens qui sont en arrière de toi et qui te font mal, ah, je suis le cousin de vous, immédiatement, ils sont obligés de te protéger. Ouais. Ça, ça les permet bien sûr que tu as 50 personnes qui se déplacent avec toi, qui s'occupent de toi comme il faut pour un travail qu'un grand-grand-père elle a fait à l'époque. Il a bien accueilli quelqu'un d'autre ou une mère qui était bien avec telle mère. Et toi, tu recevras ça, tu es les 4-5e génération en bas, tu recevras un travail qui était fait dans le 18e siècle. Et c'est pour... Mais voyons. Et c'est pour cela qu'il faut toujours faire les choses bien. Tu sais jamais, ça tombe sur qui de tes descendants qui va te rappeler de toi pour dire merci grand-père ou merci grand-maman. Parce que tu as été un bonhomme ou une femme bien. Exactement, puis, que tu as fait telle chose que nous, aujourd'hui, on les récolte. Et le plus important, c'est que tu connais tes ancêtres. Tu les nommes un après l'autre. Tu dois connaître au moins 50. Ah oui? Oui. Mon fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. Et puis tu dois l'apprendre parfois dans des et poèmes. Tout le monde a cette mémoire-là. C'est oui, parce impossible. Que c'est ta carte. C'est une culture orale. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de carte magnétisme avec... Non, c'est ça. Mais c'est un poème l'arbre généalogique que tu le connais par cœur et qui te permet... Que personne ne peut t'enlever, que mais tu jamais dis qu'à chaque fois, mettons, même les ancêtres au 18e siècle ou au 17e siècle, tu sais qu'il faut que je fasse bien l'amour parce que ce ça moment-là, ça va avoir des répercussions sur des siècles de descendants. Ils savent. Oui, ils savent. Ouais, ils savent. Ah, oui. Vraiment, tu dois penser aux autres qui vont arriver après. Oui. C'est un mode de vie qui est en train de se perdre. Mais au début, c'était nécessaire pour avoir la protection, pour avoir la vie, pour avoir la nourriture, pour avoir le patriarche, pour avoir les puits, qui est tellement important. Ben oui. Telle personne, et elle a creusé cette puits, ça appartient à lui. Mais le moment qu'il quitte, ça appartient à lui qui va lui continuer succéder. À succéder. Okay. C'est pas dans le même tribu, c'est un principe nomade où la terre appartient à celui qui met la vie dans cette région. Mmh. Alors, si tu es là, tu l'utilises, tu as de l'eau, tu as les patriarches, tu fais l'enseignement et tout, mais quand tu quittes, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser et ainsi de suite. Donc, il n'y a jamais de guerre entre les tribus. Oui, il y a des guerres, oui, mais il y a des chicanes. C'est parfois... Mais ça passe, c'est pas grave, ça dégénère pas, en fait. Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont... Qui vont venir tempérer. Oui, qui vont régler. Ouais. Tu dois mettre tout le monde ensemble dans une tente, et puis tant que vous n'avez pas trouvé de solution, la tente s'ouvre pas. Ah, wow. Et wow. Ainsi de suite. Okay. C'est fou. Là, c'est la maman qui va arriver, qui a donné le lait à tel, qui a donné, tu comprends, et puis qui va intervenir, et puis on va régler les chicanes, et puis ça devient pas seulement le problème de ces deux personnes, c'est toute une tribu en arrière qui arrête tout jusqu'à qu'on résolve ça. Oui. Mais parfois, ça arrive que le problème, il dégénère et puis qu'on ne peut pas les régler, puis ça crée des accidents ou des choses moins intéressantes. Mais souvent, dans la vie traditionnelle, c'est qu'on ne laisse pas un problème traîner et puis on essaye de le résoudre. Comme... Et puis ici, les personnes... Je te déteste, ok, mais j'ai quitté, je pars, j'ai trouvé un autre village et j'ai fait une vie à l'intérieur. Et puis, bonne chance pour toi. Puis exactement. Ouais, puis, le désert, c'est facile ici. Tu as une maison, tu ne peux pas partir avec ta maison. Tu comprends? Tu as des voisins qui ne t'aiment pas, qui font toujours la fête, les bruits. Mais là-bas, non, je prends ma tente, je l'installe, je suis 2 kilomètres de chez vous, je vous attends plus. Oui, il y a une couple de voisins comme ça que j'aurais aimé. J'aurais aimé ça, flusher une couple de voisins de même, moi. Il y en a eu quelques-uns, là. Bye bye. Bye bye. Hey, je tourne le coin de rue, je suis rendu ailleurs. 3 chameaux plus loin. Oui, oui, 2 chameaux et demi, 3 là. 3 jours de chameaux, puis j'ai la paix. C'est magnifique. Le temps des fêtes s'essouffle. Sur la précieuse table en bois rapportée du légendaire voyage à Marrakech, un bol de chips presque vide et un autre bol rempli de petits papiers pliés. Hey, on joue-tu à, à Mimémo? Oui! OK. C'est toi qui commences? Fait que c'est des titres de films, oui. OK. OK, je vais avec le nombre de mots. Est-ce que c'est un film français, américain ou québécois? T'as pas le droit de parler. Non. Est-ce que c'est un film français? Fais juste... Non? Ben là, OK. Ben, je sais pas, là. OK, mettons qu'on se dit... On va s'aider en se disant le pays d'origine. OK. Français? Non. Américain? Non. C'est québécois? Non. Oui. Bon, okay. Tiens-toi bien près des oreilles à papa. Non. Non. Non. 4 mots. Mm-hmm. 4 mots. Mm-hmm. Le. Mm-hmm. La. Mm-hmm. La. Hey, donne-moi un coup de poing sur la gueule. La gonne, la fusil, la grenade. La grenade d'en face. Un coup de bazooka, une capine, un chapeau. 4 mots. La capine, la capine du gun. La tuque. La guerre des tuques! Yes! Oh, voyons. Hey, boy! Hey, je me suis chié le corps au complet. Je pensais que c'était un film sur la boxe. Mais j'ai... Parce que j'essayais de... Rocky, hey, j'ai fait de la mitraillette, du bazooka, j'ai lancé des grenades. Je sais. Hey, j'ai donné... tout fait ce que j'essayais. C'est la guerre des tuques. Ben oui, mais c'est pas facile, ce jeu. Non, la guerre. OK, c'est à mon tour de deviner. J'aime ça. OK. Oh, t'es pas sûr? Ben, oui. Ben, t'aimes ça? C'est... OK. C'est-tu français? Non. Américain? Non plus. Québécois? Oh, OK. OK. Oh, OK. Combien de mots? 2 mots. Ah, facile. Ben non. Bar. Oui. Ben oui, Gaspar Blues. Ben non. Bar Blues. Non. Blues Bar. Mais voyons, non. Attends, je attends le sais. Attends, mais là, t'as dit bar, là? Oui, ça, c'est okay, bon. Ça, c'est le deuxième. Oui, le premier, ouais, oui. C'est... Cruising Bar, ouais. Ben oui, Seigneur. Dieu. Hey, tu l'as bien mimé. Tu as fait l'école, toi. Mimer Michel Côté, mais là, je me suis dit, comment je vais faire ça? Comment tu fais ça? Michel Côté. Hey, non, c'est difficile, ça. C'est pas possible. Oh, OK. Hey, on va bien, on a presque fini. Qu'est-ce que c'est? C'est un film américain? Mm-hmm. Oh oui, en anglais. Un mot. Un singe. Oh, c'est une petite tête de singe. C'est Woody Allen. Oh, c'est Mickey Mouse. Voyons. Il avait des oreilles. Un orignal. Un taureau. Toriador. Voyons, c'est un film américain. Raging Bull. Voyons. c'est Miss Tinguette, ça, coudon. C'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Betty Boop. Et non! Ah, voyons, la chatte sur un toit brûlant. Non, c'est un mot. Hey, y a-tu quelqu'un au Québec un prénom comme ça? Louisa. Thelma et Louise. Voyons, c'est une cochonne, un petit singe. Cheetah. Voyons. Hein? La planète des singes. Attends, tape ma main. Fais le singe, puis tape ma main, puis fais ta cochonne. C'est la chèvre de M. Séguin. Tu souffres. C'est une comédie? Okay. Est-ce que c'est une comédie? Une comédie musicale? C'est un drame. C'est une horreur. C'est un film d'horreur. Voyons. C'est un drame psychologique? Charlie Chaplin? Non, voyons. Ça fait une farce. Je suis tombée pas bonne. Le mime Marceau. Qu'est-ce que c'est? Ben voyons, c'est Mickey Mouse, ça, c'est Disney. Voyons, tu me fais des oreilles. Disney. Walt Disney. La Blanche-Neige et les Sept Nains. Voyons, en arrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle a des talons, en tout cas. Attends, non, c'est un animal. Oui, c'est Bambi. J'ai épuisé. Je pensais que c'était Betty Boop. Bambi, toi, t'es vraiment féminine, mais c'est un petit garçon. Ben non, Bambi, mais j'essayais à un moment donné de mimer la naïveté, Non! Je pensais que c'était une pétasse. Oui. Je l'ai commencé en pétasse, puis j'ai essayé de la... Non. Ouais. Mais parce que Bambi, il n'y a pas. Tu sais, tu faisais non, comme mais ça, là, comme s'il y avait des bois sur la tête, mais c'était un enfant. Bambi. Oui, mais comment tu sais que c'est le premier film que j'ai vu toute ma vie, ça? Ah, ouais. C'était 8 ans et plus, puis moi j'avais 6 ans. Je te l'ai raconté. Ouais, j'étais entrée par infraction avec ma sœur, et c'est le film le plus triste que j'ai vu toute ma vie. Et ça commence, la mère meurt, comprends-tu? J'étais en pleurs. Dans toute le cycle de la vie? Ouais. C'est pas mal ça qui est ça, là. C'est la fin du cycle, là. C'est la fin d'un cycle. Mais c'est la fin du temps des fêtes. Mais oui. Mais ça veut pas dire qu'on se retrouvera pas sous des jours meilleurs. Ben oui, un ciel plus clément, là. Des hospices. Quand il va y avoir un peu de soleil, puis... J'ai hâte au soleil. Moi, j'aime pas beaucoup l'été. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Pierre Lévesque et Patrick Knoop. Les musiciens, Joseph Marchand et Amélie Mandeville. L'adjointe à la réalisation, Camille Parent. Cette émission est signée Francis Legault.